بعد. فالحمد لله على ما من به تكرار هذه المجالس، ونكمل من قراءة كتاب الشيخ بن باز رحمه الله العقيدة الصحيحة وما يضادها، ويقرأها لحد الواحد ويسجل من ذلك. تفضل. Nous louons Allah qui nous a permis de nous rencontrer donc à cette reprise encore, et nous allons continuer encore donc pour parler sur le livre Al-Aqida Al-Sahiha de Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. قال الشيخ رحمه الله وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والتوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي قاسم اللالكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام بن تيمية لأهل حماه، وهو جواب عظيم كثير فائدة، قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم، وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية قد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل، لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق، وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في المخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتاً بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها. وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعالى tout ce que les ulama ont dit par rapport à cette question est considérable et ne peut être cité dans cette conférence. Celui qui désire plus de détails n'a qu'à étudier ce qui a été écrit par les savants de la sunna dans ce domaine, tel que le livre intitulé As-Sunnah de Abdullah, le fils de l'imam Ahmad rahmahullah, et le livre intitulé Tawhid de l'imam honorable Muhammad ibn Khuzayma, et le livre intitulé As-Sunnah de Abu al-Qasim al-Lalakai al-Tabari. L'ouvrage également intitulé As-Sunna de Abu Bakr ibn Abi Asim et la réponse du Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi au gens de Hamad, qui est une réponse d'une très grande utilité. L'imam, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué le dogme des sunnites et a rapporté leurs propos, les preuves textuelles et rationnelles et la justesse des propos des sunnites et la révocation de leurs détracteurs. Ainsi, dans sa thèse dite Tadmouriya, il a détaillé la question et a démontré le dogme des sunnites avec les preuves textuelles et rationnelles. Il a répondu aux opposants en faisant apparaître le vrai et en faisant ressortir le faux pour tous les savants qui s'intéressaient à la question avec une bonne intention et une volonté de connaître la vérité. Bien entendu, tous ceux qui ont contredit Al-Sunnah dans ce qu'ils pensaient au sujet des noms et des attributs tombent nécessairement dans le refus des preuves authentiques et rationnelles avec une contradiction évidente dans tout ce qu'ils confirment ou dénient. المؤلف هنا لوتر من دون سو باساج بعد ان بين ما يتعلق بالايمان بالله après qu'il a montré ce qui concerne la croyance en Allah وذكر توحيد الربوبيه il a évoqué l'unicité de la seigneurie والألوهية et l'unicité de l'adoration ثم بين توحيد الاسماء والصفات puis il a montré l'unicité des noms et des attributs وذكر ما في ذلك من الايات et il a donc cité les versets qui vont dans ce sens والاحاديث et aussi les hadiths وبين كلام العلماء et il a montré aussi les propos des savants Il a dit donc, les propos dans ce domaine peuvent être très longs. Car il s'agit d'une conférence. Voilà, et il s'agit ici donc d'aborder le sujet d'une manière en touchant les fondements et les choses essentielles et non pas les détails. Voilà, donc ici, il donne des bases dans les choses qui relèvent, dans les choses très très importantes. Mais malgré ça, il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé celui qui insiste, l'assistant. Voilà, donc il l'a renvoyé vers des livres donc où il y a plus de détails. Et si cela montre quelque chose, il montre donc à quel point il est, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était bienveillant. Il a cité ici des livres. 6. Les de Sunna, le Tawhid d'Ibn Khuzaymah, et aussi le livre de Sunna de l'Alaka'i, et aussi le livre intitulé Sunna d'Ibn Abi Asim. Voilà, jadis, les savants, donc, quand ils parlaient du dogme, ils le qualifiaient, ils donnaient comme titre Sunna. Donc lorsqu'on entend parler de livres de Sunna, ici on fait référence aux livres qui parlent du dogme. Et aussi on les appelait l'unicité. Tawhid al-Khalal, Tawhid al-Manda, Tawhid al-Khuzayma. Les livres de Tawhid au nom de tous ces auteurs. Tawhid al-Manda, Tawhid al-Khuzayma. Tawhid pour al-Manda et aussi Tawhid al-Khuzayma. Khalal al-Sunna. Voilà, donc c'est comme ça qu'on nommait le dogme. On lui donnait le nom de Tawhid. Donc on dit Ahl Sunna. Voilà, donc lorsqu'on parle d'Ahl Sunna, on parlait de les gens du l'aqida, donc les gens du dogme et les gens de l'unicité. Voilà donc les termes que faisait usage Salaf Allah. Voilà, donc ici, après avoir cité les quatre livres, il a évoqué deux livres de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Le premier livre, voilà, c'est des questions, c'est des réponses aux gens de cette ville, Hama. Hama, Medina, c'est une ville en Syrie. C'est pour ça donc qu'on l'a appelé Al-Hamawi. Aussi, il a renvoyé vers un autre livre qui est Tadmouri. Lisez ces livres, ils sont très utiles et intéressants. Puis après donc, il a montré les choses par lesquelles se distinguent ces ouvrages. Qu'il y a des preuves donc rationnelles et des preuves qui ont été apportées, et aussi qu'il y a des révocations aux gens qui sont sur le faux. Et c'est pour ça ici il a dit celui qui lit ces livres, voilà, dans une bonne intention, et son intention c'est de chercher le bien, il l'aura. Et ici donc j'attire l'attention que certaines personnes lisent sans pour autant chercher le bien. Ils lisent en voulant du mal. Parce que les intentions des lecteurs changent. Il y a celui qui lit pour en tirer profit. Donc ça c'est une façon de lire les textes de quelqu'un qui cherche le savoir. Il y a celui qui lit pour critiquer. Et celle-là donc, c'est celui-là on peut qualifier de un critique. وهذه غالبا تكون في الرسائل الجامعية. Voilà, généralement ça, on trouve ça dans les thèses universitaires. Voilà, donc parce que c'est des études dans lesquelles on évalue. Voilà. Donc on cherche à corriger les erreurs et on cherche à chercher les bonnes réponses. Voilà. Et parfois, hein, celui qui lit, ce n'est ni quelqu'un qui cherche à lire, ni c'est quelqu'un qui critique, mais c'est quelqu'un qui on veut, c'est un envieux. Quelqu'un qui est envieux lorsqu'il cherche à lire ne cherche pas à trouver l'intérêt. Voilà, parce qu'il a une lecture noire. Voilà, il comprend le bien comme mal. Et ainsi. Celui-là, il n'en tirera aucun profit. Il y a aussi la lecture de celui qui tient à une telle ou telle école. Voilà. Il lit donc quelque chose qui est faux et il voit en lui la vérité. Voilà, généralement, on trouve ça, hein, ceux qui s'attachent à tel ou tel courant ou telle tendance. Que ce soit dans le dogme. Ici donc le cheikh donne une règle. Celui donc qui est dans la controverse. Donc voilà, avec les choses rationnelles. Voilà, donc avec les choses rationnelles, il va à l'encontre des textes. Voilà, tous ceux qui ont essayé d'interpréter les attributs, ils ont attribué en fonction de leur raison. Ainsi donc les preuves qu'on a apportées à la sunna, elles étaient claires. Celui donc pour qui Allah a voulu le bien. Voilà. Et celui pour qui Allah a voulu le bien, lorsqu'il a vu ses preuves, il est revenu. Par contre, celui qui suit ses passions, même si tu lui récites tout le Coran, voilà, c'est ses passions qui restent dans son cœur. Voilà, celui-là, il dit son seul remède, c'est Omar ibn Khattab. Vous connaissez c'est quoi le remède? Lisez donc l'histoire de Sabir. Vous allez trouver donc c'est quoi le remède. Donc il a dit quant à le sunnah wal jama'ah, donc ils ont attribué à Allah ce qu'il s'est attribué lui-même dans son livre et dans la sunnah de son messager, ce qu'Allah s'est attribué, tu lui attribues, et ce qu'il a nié, tu le nies. Exemple des choses qu'Allah a nié dans le Coran. Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Man yukmal. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Idan huna nafa' an nafsih madha? Donc ici dans ce passage de ce Ayat al-Kursi, Allah il a nié quoi? La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Madha nafa' an nafsih madha? Qu'est-ce qu'il a nié Allah? Donc deux attributs. Sina, il est مقدمة. النوم يعني في حال ليس يشرب ولا نوم في الوسط. Voilà, donc sina c'est le début, si vous voulez, de sommeil. Ce n'est pas quelqu'un qui endormi totalement et ce n'est pas quelqu'un qui est réveillé. وهي المرحلة الجميلة التي تسبق النوم بالنسبة للبشر. Pour les êtres humains, ils disent que c'est un moment qui est bien apprécié lorsqu'on commence à dormir. Voilà. Quant au sommeil, c'est le sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il ne peut. Allah, hein, la ilaha illa huwa le al-hayy al-qayyum. فهنا أثبت ونفى. وأنا أردت أن أشرح لكم النفي حتى أبين لكم أنه قد أثبت، لأنها قد مرت على بعضكم ما انتبه لها. Ici donc dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala, il a, donc le cheikh il dit, j'ai fait exprès de citer ce qu'il y a, nier, qui sont un sina et non, et j'ai donc laissé passer ce qu'il s'est attribué, qui est cité dans le verset juste avant, qui est al-hayy et al-qayyum. Donc qu'est-ce qu'il s'est attribué et qu'est-ce qu'il a nié? الحياة والقيومية. C'est attribué donc حياة la vie القيومة القيومية c'est le fait que il قائم كل شيء c'est lui qui gère toute chose. السنة هو النوم لذلك الموتى الصغرى نوم. Donc السنة le moment qui précède le sommeil et le sommeil lui-même est considéré comme une petite mort. C'est pour ça que le sommeil c'est une petite mort. فهذا هو الحق الذي يجب علينا أن نتبعه وخلافه الباطل والحق لا يثبت إلا بالأدلة فأورد الدليل هنا. Donc voilà pourquoi, donc voilà la vérité qu'on doit suivre et la vérité on ne peut la prouver que avec les preuves et voilà donc les preuves qu'il a citées. جيب الآية بل نقضه بالحق على الباطل بل نقضه بالحق على الباطل فيلمعه فإذا هو زاهق. Mais Donc, quant aux gens de la Sunna et du consensus, ils ont attribué à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même dans son livre, ou ce que lui a attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans anthropomorphisme. Ils l'ont exempté de tout semblant, de sous semblance aux créatures, sans négation. Ils ont évidemment échappé aux contradictions et ont accepté toutes les preuves. Ceci est la voix d'Allah pour ceux qui s'accrochent à la vérité envoyée à lui à travers les messagers. Et celui qui déploie tous ses efforts et se dévoue totalement à Allah dans sa mission, Allah le guide vers la vérité et fait triompher son argument comme il est bien dit dans ce sens. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité et qui le subjugue. Et voilà qu'il disparaît. لذلك الذين خالفوا. C'est pour ça donc ceux qui ont été à l'encontre. Donc ils sont tombés dans la contradiction. Donc, les gens de la Sunna, ils attribuent Allah tous les noms les attributs. Car ils ont une seule règle. Ils affirment Allah ce qui s'est affirmé et ils nient ce qu'il a nié. Certaines personnes, ils ont attribué à Allah seulement 7 attributs. Et tous les autres, ils les ont interprétés. On leur dit pourquoi vous les avez interprétés. Et pourquoi vous avez seulement lui attribué les 7. Pourquoi vous êtes tombé dans la contradiction? Voilà, si vous avez attribué les 7, eh bien, on vous demande d'attribuer les restes. Car le faux, il est certes toujours contradictoire. Et il ne peut être ferme. Car la vérité, voilà donc, elle le détruit. وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآية كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. قال رحمه الله: ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى الأذهان إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل أمره كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. هنا ذكر Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans ce sens: il ne t'apporte aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. L'érudit Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a exprimé de remarquables propos dans son célèbre exégèse concernant ce verset. Votre Seigneur, dans la traduction et la suite: votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il est opportun de les évoquer ici pour en tirer profit. Il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, les gens ont exprimé à propos des attributs tant de propos qu'ils ne peuvent être cités ici. Néanmoins, nous affirmons que nous suivons en cela le chemin des pieux prédécesseurs, Malik al-Awza'i, al-Thawri, al-Layth al-Musa'id, al-Shafi'i, al-Ahmad al-Ishaq al-Rahawi et d'autres imams des musulmans, anciens et contemporains, les transmettre comme ils ont été rapportés, sans déformation, sans négation, sans s'interroger sur le comment de ses noms et ses attributs, et sans anthropomorphisme. Ce que les assimilateurs voient et pensent des ressemblances, Allah en est exempté, car il ne ressemble à aucune de ses créatures, rien ne lui ressemble. Il est l'audient et le voyant. La réalité est donc telle que les imams l'ont dit, dont Na'im al-Hammad al-Khuza'i, le cheikh de l'imam al-Bukhari, qui a déclaré: celui qui assimile Allah à ses créatures est un mécréant, et celui qui nie ce que Allah s'est attribué à lui-même est un mécréant. بعد أن بين هذه الإحالات. Après donc avoir expliqué donc les sources vers lesquelles il a renvoyé. ذهب لتفسيرها ونقل ما ذكره الحافظ ابن كثير. Voilà, donc il est parti à l'exégèse de ce verset et il nous a rapporté ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir رحمه الله عليه. لا يزال الحديث من الشيخ عبد العزيز بن باز. Donc c'est toujours Cheikh Ibn Baz رحمه الله عليه qui parle. وانظر لهذا النقل والذكر والأسماء. Et lui donc tout ce qu'il cite ici et tout ce qui est les sources qu'il renvoie, vers lesquelles il renvoie. Cheikh Ahmad. Donc n'oubliez pas que Cheikh est un non-voyant. Le Cheikh ne voit pas. Il ne sait pas lire et écrire. Donc, il n'est pas en train de lire des feuilles qui sont devant lui. Ça c'est la science. Donc c'est de connaître les sources par cœur et bien comprendre. Il a cité 9 savants. Malik, Zahir, Thawri, Al-Layth, Shafi'i, Ahmad, Ishaq. Inna fil Islam. Tous les noms qu'il a cités, ce sont des références dans l'islam. Donc ça c'est là le dogme des fuqaha et qui ont été les imams des grandes écoles. Intahayna min al-amr al-awwal wa huwa al-iman billah. Donc avec ça, donc on a que le premier point qui est la croyance en Allah Azza wa Jalla. Maintenant nous allons aborder le deuxième principe وهو الإيمان بالملائكة. Le fait de croire aux anges. وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم مشفقون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Quant à la croyance aux anges, c'est croire d'une façon générale en tous sans exception. Le croyant doit croire qu'Allah a créé des anges pour l'adorer et les a décrits en disant, en voici la traduction, des serviteurs honorés, ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés tout en étant pénétré de sa crainte. كنا ذكر كلام جميل. Ici donc il a cité des beaux propos. من حياة الأصل في الإيمان. En ce qui concerne donc la base de la croyance. الملائكة. Qui concerne les anges. وقال عبارة واضحة. Il a donc donné des propos clairs. يؤمن بهم إجمالا. On y croit donc tous d'une manière globale. وتفصيل. Et aussi dans les détails. إجمالا. على ما وردنا في الآيات والسنة بالأمور المجمعة. Voilà. D'une manière globale, telles qu'ils ont été cités globalement dans les textes que dans le Coran et Sunna. وتفصيلا. Il est تفصيل الأمور بالملائكة. Voilà. Et les détails qui concernent les anges. فأنت تؤمن أن لله ملائكة. Donc, en somme, toi, tu crois qu'Allah il a des anges. قد يجهل الإنسان أحياناً بعض الأشياء التي وردت في الجنة وأن اسمه رضوان أو أن اسمه كذا. Donc certains. هذه التفصيلات. Voilà. Les détails, le croyant il peut les ignorer. المؤمن. Mais le croyant. يقي منه هذا الإيمان الإجمالي بأن لله ملائكة. Voilà. Le croyant il lui suffit donc ce croyant général que Allah il a des anges. خلقها منه. Il les a créés à partir de lumière. Pour quelle raison il les a créés? En créant des créatures honorables, ils ne lui désobéissent pas et ils obéissent à ses ordres. Il leur a donné des missions. Ils ne sont pas concernés comme ce qu'on sont concernés les êtres humains. Tous donc. C'est des serviteurs d'Allah. Voilà, il n'existe aucun ange qui adore donc sa passion. Tous des créatures honorables, ils font ce qu'il leur a été ordonné et ils ne désobéissent guère à Allah. Ils ont donc des missions et des fonctions et des ordres. Il y a ceux qui sont chargés de la pluie. Ceux qui sont chargés des montagnes. Aussi donc les étoiles filantes. Il y a ceux qui sont gardiens. Ils sont parmi nous maintenant. On y croit. Que les assemblées donc, du rappel sont cernées par les anges. Jusqu'au ciel. Et elle évoque ceux qui y assistent auprès d'Allah. Donc ils sont honorables et ils écrivent, les scribes. Donc, sur la droite et sur la gauche. Ils écrivent donc ils notent nos bonnes actions et nos mauvaises. Sur la droite. Celui qui est sur ta gauche, si tu fais une mauvaise action, il attend 6 heures. Il attend l'ordre. تظن دونك سيدي كي ادرات بلي دير والانتظار لك بعد فعل السيئه منك لعلك ان تتوب دون لسوار كو تو ريبونس بعد التوبه دونك pour se précipiter pour se repentir الى ان تتوب Jusqu'à quand nous allons désobéir à Allah? Jusqu'à quand on suit sur nos passions? Donc tu n'es pas encore rassasié? L'enfer, lui, ne se rassasie pas. Tu souhaites en faire partie des gens de l'enfer? À partir de cet instant, repentons à Allah de nos erreurs, de nos péchés. Voilà, qu'on s'attache à la sunna et à l'unicité, qu'on délaisse l'association, délaisse les choses illicites, donc demeure sur l'obéissance, obéis à tes parents, consolide tes liens de parenté, donc sois honnête dans tes transactions, et un bon comportement à l'égard de ton épouse, tes parents et tes proches. Il y a des anges qui notent toutes choses. Donc le jour où tous vont être ressuscités, Allah les informera de ce qu'ils ont fait. Allah il l'a déjà noté et eux ils l'ont oublié. C'est nous qui faisons ressusciter les morts et nous écrivons tout ce qu'ils ont déjà acquis. Tout donc qui est noté dans un livre. On posera les livres. Et tu verras les injustes donc, ayant pitié de ce qu'ils ont trouvé écrit. Ils disent malheur à nous. Il n'y a rien qui a été oublié dans ce livre. Qu'il soit grand ou petit, tout y a été noté. Et tout ce qu'ils ont acquis, il est présent, et ton Seigneur n'est guère injuste. Donc prendre des bonnes résolutions et fais un repos sincère, car les anges sont avec toi d'une manière permanente. Il y a des anges pour donner donc la vie, pour souffler l'âme dans les fœtus. Il y a ceux qui prennent les âmes au moment de la mort. Il y a tellement donc de fonctions. On croit ce qui a été donné dans les détails à travers bien sûr les preuves. Le meilleur donc des anges, Jibril alayhi salam. Et celui qui a été chargé de la révélation avec tous les messagers et les prophètes. Ce sont donc des créatures énormes. Jibril alayhi salam. Le prophète sallam il a vu donc sous sa vraie forme 600 ailes. Le prophète sallam a dit Allah m'a accordé la permission de vous parler donc de l'un des anges qui porte le trône. Entre le globe de son oreille et son épaule, la distance donc de 500 ans, pour ce, donc à vol. Donc ça c'est un seul ange. Beaucoup de choses dont on ignore. On y croit tel qu'il nous a été rapporté. Et ce qu'on a ignoré, on ne peut en parler. Les choses qui relèvent du dogme relèvent donc des choses invisibles. Ne parle qu'avec science. parle qu'avec science. لا تتكلم إلا بعلم. يحصل أحيانا. وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش ومنهم خزنة الجنة والنار ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك وخازن النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم خرجه مسلم في صحيحه وهكذا الإيمان Ils sont divisés en plusieurs catégories, dont les anges porteurs du trône, les gardiens du paradis de l'enfer, les anges scribes en charge d'enregistrer les œuvres des serviteurs. On doit croire d'une façon spécifique aux anges dénommés par Allah ou par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Jibril, Mikaïl, Malik, et Malik qui est l'ange gardien en chef de l'enfer, et Israfil qui est chargé de souffler dans la trompe. Ils ont été mentionnés dans des hadiths authentiques, dont celui rapporté par Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges sont créés à partir de lumière, les djinns de flammes de feu sont fumés, et Adam a été créé comme il vous a été décrit. Voilà donc comment être doit être un croyant. كما ذكره الله تبارك وتعالى في وهو السفر بدر. Donc il y a des anges comme à Jibril qui ont accompagné Jibril عليه السلام donc dans la bataille de وقاتلوا مع المؤمنين dans les batailles de Badr avec auprès des croyants. ومنهم حفظ. Il y a donc ceux qui sont des anges gardiens. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme mission de préserver ses serviteurs. Parfois, il t'arrive donc une chose, voilà, un accident par exemple, tu tombes, une chute. Donc les conséquences de cet accident ou bien de cette chute, donc sur toi, tu te rends compte qu'elles sont vraiment négligeables par rapport à quelqu'un qui a subi la même chose. Voilà, et la personne elle est tellement étonnée que la chute qu'il a fait alors qu'elle aurait pu être mortelle, c'est comme si c'était une chute facile et naturelle. Donc il n'y a pas de. Il n'y a aucun membre qui est cassé, rien du tout. Nul doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une sagesse dans cela. Voilà. Préserve Allah. Et lui te préserve. Voilà, donc il y a des anges qui les protègent par devant et par derrière. On demande donc à Allah qu'il nous préserve. Et qu'il nous prend comme allié. Il a ici évoqué donc l'origine de la création de trois créatures. Donc, les djinns, l'être humain et les anges. Les anges ont été créés à partir de lumière. Les djinns donc à partir de feu. Et nous, Allah, il nous a créés à partir d'argile. Certaines personnes croient que certaines personnes ont été créées à partir de lumière. Comme ils disent à propos de Isa alayhi salam. On dit non, il est comme Adam. Comment a été créé Adam? Soit il soit. Ça, c'est par un ordre divin. Aussi, il y a certaines catégories de personnes que j'ai vues en Inde et en Pakistan. Voilà, donc ces gens-là, ils s'appellent les Brelouis. Donc c'est parti de personnes-là croient que le prophète sallam n'est pas un être humain. C'est pour ça donc l'un d'eux dit, lorsqu'il entend donc la prière sur le prophète sallam, il dit donc que la paix et la bénédiction soient sur toi, ô toi, une lumière de la lumière d'Allah. Et il pense qu'il est vivant. ففي حضرتهم وبدعتهم يقولون هو حاضري هو شاهدي هو ناظري. Donc ils disent qu'il est présent ici, il me voit et il m'entend. إذا أحد من تلك البلاد ويعرفه يا أحد. Yes, il y a quelqu'un qui est de cette origine ou qui les connaît. ما شاء الله. يجدون في البنجاب في خانيوان. Donc, cher, il est en 87, j'ai visité ce pays et j'ai rencontré ces gens-là. Et j'ai parlé dans une mosquée. Et ils n'acceptent pas que c'est nous qui dirigeons la prière. Celui donc, s'il y a quelqu'un qui prie, qui dirige la prière alors que c'est ta sondante, tu dois recommencer ta prière. Mais alhamdoulilah, donc il y a une grande partie qui sont revenus vers la vérité. Donc les anges sont des créatures honorables. On ne peut les voir. Et eux, ils ne voient. Mais il est possible de les voir. La preuve. بل الكفار يرونه ليس فقط بالجسم من لم يكريون اللي هو ها لا في الحياة قبل الموت pas pendant la mort mais ou bien au moment de la mort mais même dans la vie هذا هو الصدر ألم يقول الكافر فإذا برجل يلبس بياض ويسمعه يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم قال والله ما هذا بالذي هو علي إنما رجل آخر أبيض هو الذي أتى بالإمكان. Voilà, il dit donc les propos qui ont été rapportés par des mécréants qui ont assisté à la bataille de Badr, qui a un mécréant qui a juré que ce n'est pas une telle personne qui est venue vers lui, mais un homme habillé en blanc. Et il a dit même, j'ai entendu, qui appelle un autre qui dit Aqbel Haizoum, qui n'appelle pas un autre. Une autre preuve. حديث حنظلة حديث حنظلة عندما قال نافق حنظلة حديث سيد الحنظلة رسول الله دينه حنظلة عندما يعني فكري فقابل أبو بكر إلى أنفق أبو بكر عن نفسه قال والله إني لا أجد ما أتجد فذهبوا يشتكون أنفسهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. Voilà donc l'histoire de hadith de Hamdala, il est connu. Donc lorsqu'il a rencontré Abu Bakr, il lui a dit: comment vas-tu? Il a dit: je suis devenu un hypocrite. Pour quelle raison? Voilà donc dans ce hadith là, Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a rencontré Hamdala, il lui a dit donc: comment vas-tu? Il dit: je suis devenu un hypocrite. Il dit: pour quelle raison? Il dit: parce que lorsqu'on est auprès du prophète sallam, on voit le paradis et l'enfer. Et ainsi de suite. Vous vous rappelez ce hadith? Aïn al-Dali. Qala law annakum takununa inda ahlikum kama takunu indi fasahhatkum al-mala'ika fi al-turuqat. Voilà, parce que dans ce hadith, donc, et après les deux, ils sont venus voir le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, ils s'en sont plaints de ce qu'il éprouvait. Et ils lui disent: quand on est auprès de toi, donc on est tellement attaché à ce que tu dis, qu'on voit le paradis et l'enfer. Et quand on rentre chez nous, on oublie comme si rien n'était. Le prophète sallam a dit: si vous demeurez sur la même situation quand vous êtes avec moi, eh bien vous allez finir par que les anges vont vous saluer, même dans la rue et chez vous. Voilà, comme ça, comme ça. Mais donc voilà, il y a des hauts et des bas. لكن أحد يقول أن رأيت الملائكة تبلغ يوسوس عليك الشيطان. وهكذا الإيمان بالكتب. يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الآية. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزابور والقرآن، والقرآن هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم بينه به بينهم، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: وهذا كتابنا أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وليا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. De même pour la croyance au livre, il faut croire d'une façon générale qu'Allah a fait descendre des livres sur ses prophètes et messagers pour révéler son droit et appeler à s'y confirmer. Il a dit d'ailleurs dans ce sens: nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux les livres et la balance afin que les gens établissent la justice. Et il a dit aussi dans ce sens: les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante, puis après leur divergence, Allah envoyait des prophètes comme annonciateur et avertisseur, et il fait descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Il faut également croire fermement au livre qu'Allah a dénommé comme la Torah, l'Injil et le Zabur de Daoud, et le Coran. Ce dernier étant le meilleur et le sceau, celui qui prédomine sur les autres et les accrédite. C'est cela que la communauté musulmane doit suivre et considérer comme un moyen d'arbitrage, en même temps qu'authentique, que l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous les humains et les djinns, et il lui a fait descendre le Coran pour arbitrer entre eux, et on a fait une source de guérison pour les cœurs, une démonstration de toutes choses, et une guidée et une miséricorde pour les croyants. Allah a dit dans ce sens: et voici un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Et il a dit aussi dans ce sens: et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toute chose, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Il a dit aussi dans ce sens, dis aux hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Point de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Après donc avoir parlé sur le croyant en Allah ainsi que ses anges, il correspond donc de parler, et donc c'est tout à fait logique qu'il va maintenant parler de croire au livre. Ainsi, il a rapporté, il a cité plein de versets dans ce sens. Les livres, voilà, ceux qui sont connus sont au nombre de 5. Ici, il a cité 4. Et on rajoute donc les feuillets d'Ibrahim. Nous avons donc le Coran. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la Torah. Ala Moussa alayhi wa sallam. Qui est révélé à Moussa alayhi wa sallam. L'Injil, Isa alayhi salam. Et Zabur et Daoud alayhi salam. Les psaumes donc pour Daoud alayhi salam. Et Ibrahim. Il est payé donc pour Ibrahim. Donc rien de ces livres existe actuellement. Min ma huwa kama anzalahu Allah. Tel qu'Allah l'avait révélé. Illa al-Qur'an. Si ce n'est le Coran. Inna nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafiz. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui nous sommes engagés de le préserver. Wa fihi ma qabla min al-dhikr. Et il y a certainement donc ce qui a été révélé dans les livres auparavant. Kulluha kalamullah. Tous ce sont la parole d'Allah. Wa al-Qur'an. Donc le Coran. Il y a les détails et tout ce qui est avant, ils sont abrogés. Donc c'est la parole d'Allah, c'est de lui qu'il émane et c'est vers lui qu'il revient. Il incombe à chaque serviteur donc d'accorder l'importance à ce livre et qu'il le lise comme il faut. Et aussi qu'il donc accorde la même importance à la lecture qu'au sens. Combien de fois donc nous lisons et on n'a aucun rapport avec quoi. Donc ces téléphones maintenant ils ont pris beaucoup de temps. Certains qui disent, moi, je ne peux pas lire ou bien j'aime pas lire. Donc, combien nous lisons, bien combien tu lis dans tout ce qui vient de citer, cher. Prends garde. Donc, sur ce, on s'arrête. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète.